Réponse numéro 4. Le polythéisme, c'est d'adorer autre qu'Allah avec lui. Source, explication du livre Al-Usul al-Thalatha par Cheikh Mohamed Aman el-Jami. Al-Shirk, huwa ibadatu ghayrillahi ma'ah. Al-Masdar, Sharh Al-Usul al-Thalatha للشيخ محمد أمان الجامي.